إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue toujours maintenant, c'est le cours aujourd'hui numéro 13 dans l'explication de Al-Ha'iyya de l'imam Ibn Abi Daoud avec le sharh de Cheikh Salih Al-Fawzan. Et on est toujours dans l'explication de Al-Qada ou Al-Qadar, qui a rapport avec la foi en la prédestination, qui est le sixième pilier dans l'islam. Et en ce qui concerne la manzouma de l'imam Ibn Abi Daoud, on est dans le vers numéro 28. Ça, le vers numéro 28, c'est dans l'ordre de, si on tient compte des sept vers qui ont été ajoutés. Sinon, c'est le vers numéro 21 pour ceux qui n'ont pas l'ajout, les sept vers ajoutés. Dans ce cas-là, pour eux, on est dans le vers numéro 21. Et c'est وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. Donc ça c'est l'explication donc du qadar. Quand on s'est laissé au dernier cours, on était en train d'expliquer certains égarements des Jabriyyah et comment ils ont contredit non seulement le Coran et la Sunna, mais ils ont également contredit la raison, hein. Et le cheikh il donnait des exemples comment ces gens-là dans leurs affaires de la vie, ils se contredisent par rapport à leur aqida ou à leur croyance. C'est-à-dire que les Jabriyyah disent que ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas de volonté dans ce qu'ils font. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les force. Hein? Pourtant, lorsque quelqu'un les frappe ou lorsque quelqu'un leur fait du mal ou leur fait une injustice, ils se défendent et ils réagissent. Hein? Et ou bien ils vont chercher un moyen de se venger. Donc ça c'est la preuve que ils ne sont pas conséquents par rapport à leur aqida. Et comme j'avais expliqué, j'ai dit que cette aqida elle était plus souvent présente chez les soufis, chez les gens du tasawwuf, les gens qui suivent la voie de la bid'a. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne justement des exemples de ça, à quel point les gens qui ont adopté cette aqida ont été affectés par cet égarement-là. Et parfois même, ça a été une cause pour le fait que les kuffars réussissent justement à avoir le dessus sur les musulmans à travers l'histoire. Hein? Donc quand, par exemple, Cheikh l'Islam, il a un livre qui s'intitule Ar-Raddu ala al-Bakri. Ar-Raddu ala al-Bakri, dans ce livre, il réfute les soufis, un soufi en particulier qui s'appelle Al-Bakri et qui par exemple défend le fait de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire dans le dua, hein, et de prendre les saints et les morts comme objet d'adoration. Il essaie de justifier ça islamiquement et donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah l'a réfuté. Et parmi les choses qu'il mentionne dans cette réfutation là, il parle également du fait que certains des soufis, lorsque il y a eu l'invasion des Tatars ou l'invasion des chrétiens et des juifs qui sont venus pour prendre Al-Quds à l'époque des croisades, certains d'entre les soufis disaient ces gens-là, c'est Allah qui les envoie, donc il ne faut pas les combattre. Hein? Et lors de l'invasion, par exemple, des Français en Algérie, c'était la même chose. Les Turcs soufis étaient souvent ceux qui aidaient les Français contre les musulmans en Algérie. Et on a comme par exemple la Turc Tijaniya, par exemple, qui ont aidé la colonisation française en Algérie à un tel point que ils considéraient que les Français étaient envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là justement que les Français, durant la colonisation, ils ont essayé de fermer ou de stopper tout enseignement de l'islam, excepté les lieux d'enseignement soufi. Donc, beaucoup de gens parmi les musulmans, la seule référence qu'ils avaient pour aller apprendre l'islam, c'était dans les Zawaya et dans les endroits justement où on enseignait le tasawwuf. Donc ils enseignaient le Coran, mais en même temps ils enseignaient leur bid'ah. Et c'est pour cette raison-là que beaucoup de gens aujourd'hui, parmi les vieux Algériens par exemple, les personnes plus âgées, ils défendent les Zawaya et les Soufis. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est eux qui ont défendu l'islam durant la présence française en Algérie. Donc ils s'imaginent que c'était eux qui défendaient l'islam, alors qu'en réalité, ils propageaient leurs égarements et leurs bid'ahs à travers cette voie-là. Et juste pour vous donner un exemple à ce sujet-là, il y a un livre qui a été écrit par un cheikh qui s'appelle, je me rappelle plus son nom exactement, mais il a fait une recherche sur At-Tijani, et il a parlé dans son livre d'une femme qui s'appelle Aurélie Picard. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler d'Aurélie Picard. C'était la fille d'un capitaine français qui était envoyé ici en France pendant la colonisation. Et durant son voyage, lorsqu'il traversait, yani en bateau, elle est tombée amoureuse d'un des chouyours de la Tariqa Tijaniya. Donc, l'évêque qui s'appelait la Vigerie à l'époque, ils les ont mariés. Il a marié ce chef de la Tariqa Tijaniya avec cette femme chrétienne, catholique, Aurélie Picard, sans qu'elle s'est jamais convertie à l'islam. Elle est toujours restée catholique. Puis elle est partie vivre avec le chef de cette Tariqa dans le village où Ahmed Tijan est né, c'est-à-dire dans le village de Ain Mahdi, dans le désert. Elle est partie vivre avec lui. Et puis, elle en a profité donc pour aider la cause française. Hein? Et donc, c'est pour cette raison-là que les chouyours de cette tariqa envoyaient des messages partout, dans toutes les zawaya, tous les endroits où il y avait les Tijaniens, pour dire aider les Français. Hein? Aider les Français dans leur cause. Et quand le premier cheikh de cette tariqa est décédé, eh bien, elle a épousé son frère. C'est pour ça qu'il l'appelle Zawjatu Sayyidain, hein, l'épouse des deux Sayyids. Okay? Et il l'appelle aussi Amiratul Rimal, la princesse des sables. Et l'armée française, ou le gouvernement français, lui ont remis des médailles. Hein, parce qu'ils ont dit qu'elle a offert à la France et à l'armée française des services qu'aucune armée aurait pu rendre, hein, juste par sa présence. Et cette femme, elle est morte catholique à cet endroit-là, dans ce village, enterrée à côté de ses deux maris, et ils lui ont fait une qubba, et elle est considérée comme une sainte là-bas, et ils vont l'adorer comme ils adorent les autres saints de cette tariqa et de d'autres turuq également. Et pourtant, elle est toujours restée catholique. Hein. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'égarement de ces gens-là et en même temps, comment cette aqida de Jabriya peut affecter même l'histoire et la situation qui se passe même sur le plan politique et sur le plan militaire dans les pays musulmans. Donc, il y a ces aspects-là. Et c'est pourquoi, parce que la plupart des soufis, ils croient en, comme j'avais expliqué, en wahdatul wujud. C'est-à-dire, ils croient que, comme Ibn Arabi et d'autres, Al-Hallaj, ils croient que tout est Allah et que Allah est tout. Donc, pour eux, comme je vous expliquais, le bien et le mal le kufr et le shirk et le tawhid, pour eux tout ça c'est équivalent, hein, et qu'ils croient donc que tout ce que tu fais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te le fait faire et que tu n'as pas de volonté. Donc ça c'est des exemples. Et ça c'était juste pour un point. Et si vous voulez savoir plus par exemple sur cette histoire de Aurélie Picard et tout ça, vous avez juste à aller sur Google et écrire Aurélie Picard, et puis vous allez voir les informations à ce sujet là vous allez voir que c'est pas des histoires, rien, c'est réel, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, puis il y a des preuves historiques de ça. Donc ça fait réfléchir, rien. Donc pour terminer, le cheikh il dit: فهذا من القول الباطل والعياذ بالله وهذه نتيجة الاعتماد على الأفكار والعقول المجددة أو الفاسدة والاعتماد على أقوال وآراء الناس بدون رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que ça c'est, hein, bien entendu leur croyance de la croyance de ces gens là c'est une parole qui est totalement fausse. Et c'est le résultat du fait qu'ils se basent sur leur pensée ou sur leur raison qui est établie sur la corruption, sur le désordre ou sur l'ignorance. Ils se basent sur les positions, les opinions des hommes sans se référer au Coran et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces questions, hein, et ils prennent ça comme des questions philosophiques et ils débattent à ce sujet-là, hein, un peu comme les philosophes, yani, hein, comme Jean-Paul Sartre et les autres, yani, quand ils commencent à parler de la liberté, puis du libre arbitre et tout ça. Donc ils aiment discuter sur ces choses-là. Mais étant donné qu'ils ne se réfèrent pas au Coran et à la Sunna, eh bien, ils tombent dans l'égarement à cause de ça. Ensuite, le cheikh dit: فلا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب فأنت تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا تعطل الأسباب بل تطلب الرزق وتتزوج وتطلب التجارة وتسعى في الأرض وتطلب من فضل الله لا تقول أعتمد على القضاء والقدر فإن كان شيء مقدر فسوف يأتيني وإن لم يكن مقدر لي أو مقدرا لي فلن يأتيني. هذا لا يقوله عاقل. حتى الطيور والبهائم بفطرتها تذهب تطلب الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا والطيور لم تقعد في أوكارها فطرتها تقتضي أنها تتحرك وتذهب لتطلب الرزق تغدو خماصا يعني في الصباح وتروح في المساء بطانا يعني شبعا. فلا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب وإنما يقول هذا الجبرية. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas de contradiction entre le fait de croire en la prédestination et en le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de faire les causes pour obtenir quelque chose dans cette dunya. Donc il dit, toi tu crois en le fait que ce que Allah veut c'est ce qui est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Mais en même temps, tu ne nies pas les causes et les effets que Allah subhanahu wa ta'ala a établis dans l'univers. Donc tu vas faire des efforts pour obtenir ton risque et pour rechercher ton risque et pour te marier et pour essayer de chercher à vendre ou à acheter, à faire du commerce. Et tu vas faire des efforts sur la terre pour chercher des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne vas pas dire, je vais me baser sur le qadar ou le qadar, je vais rester assis sur ma chaise. Ou bien je vais rester à dormir dans mon lit, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour moi, ça va me venir, et ce qu'il n'a pas prédestiné, ça va pas venir. Hein? Ça, c'est pas correct. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, je vais rester assis comme ça, je vais pas faire la salat, et je vais attendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il détermine si je vais aller au paradis ou en enfer. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lève-toi, et fais les obligations, fais les causes, et Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter la chose pour laquelle tu as été créé. Tu ne restes pas assis, puis à attendre, hein, soi-disant que les choses se passent. Donc la même façon que tu fais des efforts dans la dunya pour obtenir ton risque, et tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et bien la même chose dans ton dîn également, tu dois faire les efforts et espérer hein, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, le fait de juste s'asseoir comme ça puis d'attendre que Allah subhanahu wa ta'ala te donne quelque chose, et tu dis, si Allah il l'a prédestiné, ça va venir, si Allah l'a pas prédestiné, ça va pas venir, sans faire les causes, sans faire les efforts, personne d'intelligent dit une chose pareille. Même les animaux, même les oiseaux, ils ne font pas ça. Hein, dans leur fitra, Allah subhanahu wa ta'ala, sur laquelle Allah les a créés, eh ben, dans leur nature même, ils sortent et ils vont essayer de chercher leur risque, leur subsistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qui est rapporté par Tirmidhi et d'autres également, il a dit, si vous mettiez votre confiance à Allah comme il mérite, comme Allah mérite qu'on mette notre confiance en lui, eh bien, il vous donnerait votre subsistance de la même manière qu'il donne la subsistance aux oiseaux. Les oiseaux partent le matin, le ventre vide, et ils reviennent le soir, le ventre plein. Donc, certains, par exemple, pourraient s'imaginer que ça signifie, tu mets ta confiance en Allah, Allah va te donner ton risque. Mais le cheikh dit non. Les oiseaux, ils restent pas assis dans leur nid à attendre que le risque arrive. Ils partent, ils sortent, ils quittent leur nid et ils cherchent leur risque et ils cherchent leur nourriture. Donc ça fait partie de leur fitra. Ils bougent, ils sortent, ils vont hein, vers le risque et ils recherchent le risque. Ils partent donc le matin, le ventre vide, et ils rentrent le soir et ils sont remplis, ils ont bien mangé. Donc il n'y a pas de contradiction entre le fait de croire en Al-Qadar ou Al-Qadar et le fait de aller faire les causes et de faire des efforts pour obtenir ton risque, contrairement à ce que disent les Jabriyas. Hein? Et le cheikh il dit وَلَكِنَ الْأَسْبَابِ لَا تَسْتَقِلُّ بِإِيجَادِ النَّتِيجَةِ إِنَّمَا الْمُسَبِّبُ هُوَ اللَّهِ رَدًّا عَلَى الْقَدَرِيَّةِ فَلَا تَغْلُو فِي إِثْبَاتِ الْأَسْبَابِ كَالْقَدَرِيَّةِ وَلَا تَغْلُو فِي تَأْثِيرِهَا كَمَا تَقُولُ يعني الجبرية ولا تغلو في نفي تأثيرها كما تقول الجبرية. Donc le cheikh il dit tu crois en al-qada wa al-qadar, puis tu fais les causes, mais tu te bases pas ou tu te reposes pas uniquement sur la cause hein, pour obtenir le résultat. Tu dois comprendre que celui qui fait que la cause fonctionne, celui qui fait que le résultat tu l'obtiens ou non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est al-musabbib. C'est lui qui fait que la cause fonctionne ou non. Donc, tu dois pas exagérer non plus dans le fait de te baser sur les causes, hein, comme le font les qadariyas. Donc, les qadariyas, les jabriyas, ils se reposent uniquement sur le qada ou le qadar. Et ils laissent de côté les causes et les effets. Les qadariyas, c'est l'autre extrême. Ils se reposent uniquement sur les causes. Et ils voient la vie d'une manière un peu comme les matérialistes. Et ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se basent que sur les causes. Hein? Et ils ne réalisent pas que même si tu fais toutes les causes et que tu fais tout correctement, ça ne garantit pas le résultat. Le résultat est seulement garanti si Allah subhanahu wa ta'ala te donne le tawfiq. Donc, ne tombe pas dans l'exagération de ceux qui exagèrent dans le fait d'affirmer les causes et les effets, mais en même temps, n'exagère pas dans la négation non plus de leurs effets, comme le disent les Jabriyas. Mais prends les causes, ça c'est quelque chose qui est demandé, comme le cheikh dit, fattikhaz al-asbab amrun matloub, qala ta'ala, fabtaghu inda Allahi rizq. وقال وابتغوا من فضل الله والله أمر بالصلاة والصيام وأمر بالطاعات هذا من فعل الأسباب ونهى عن أسباب الشر كالكفر والمعاصي والفسوق. Donc le cheikh il dit de prendre les causes, c'est quelque chose qui est demandé. Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande dans le Coran de chercher notre risque d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 17 dans sourate Al-Ankabut, et il dit dans sourate Al-Jumu'ah le verset 10 وابتغوا من فضل الله et recherchez les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut réunir les deux hein? Et le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire la salat, de faire le jeûne, et il a ordonné d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire les choses, les actes d'obéissance, et également de prendre les causes. Et il nous a interdit, hein, de faire les causes qui nous amènent au mal, ou de faire le kufr, ou les péchés, ou la désobéissance. فليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تعطل الأسباب بل تمضي في طلبها مع الإيمان بأنه donc يعني on voit des fois des gens par exemple qui souvent vous avez entendu parler des gens qu'on appelle jama'at al-tabligh, hein? Et bien jama'at al-tabligh, ils penchent vers la aqida des soufiyin, ils penchent vers la croyance des gens de tasawwuf. Pourquoi? Parce que le fondateur de ce groupe, Mohamed Elias Al-Kandahlawi, était lui-même un soufi. Était lui-même un soufi de la tariqa al-Jistiyya. De la tariqa al-Jistiyya. Et ces gens-là croient en Wahdatul Wujud. Hein? Ils croient eux aussi en Wahdatul Wujud. Et en passant, la croyance en Wahdatul Wujud, c'est une croyance qui est déclarée par le consensus des musulmans comme étant une croyance de kufr. Hein? Et il croit en Wahdatul Wujud, et donc non seulement ça, il fait partie de l'école, ou d'une école en Inde et au Pakistan qu'on appelle l'école des Diobandiyas, une école qu'on appelle les Diobandiyas. Et les Diobandiyas sont une école basée sur le Tasawwuf et sur la Aqida des Maturidiyas, la Aqida des Maturidiyas, un peu comme les Ash'ara. Donc ils nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils déforment leur sens. Et dans les questions par exemple de al-qadar ou al-qadar, ils dévient également et ils penchent vers la aqida des Jabriya, de la même façon que les Asha'ira. Donc c'est pour ça que vous allez voir quand les gens de Jamaat Tabligh vont dans des mosquées et commencent à faire des bayans, et ils commencent à expliquer la ilaha illallah, ils n'expliquent pas la ilaha illallah de la même manière que Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Hein, pour eux, la ilaha illallah, ça ne veut pas dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Pour eux, la ilaha illallah, ça veut dire juste uniquement d'affirmer qu'il y a un créateur tout puissant, puis d'affirmer al-Rububiyya. D'affirmer al-Rububiyya. Et donc, parmi les choses qu'ils considèrent comme étant, parmi les choses qui font partie de la compréhension de la ilaha illallah, c'est de nier les causes et les effets. C'est de nier des causes et des effets, et de croire que tout ce qu'on fait, ou tout ce qui se passe, c'est Allah qui le fait. Hein? Donc, il faut, si tu affirmes à quelque chose, une attribut quelconque, ou un effet quelconque, eux, ils considèrent que ça, c'est du shirk. Hein? Donc, par exemple, ils vont dire, il ne faut pas que tu crois que c'est le couteau qui coupe. Ou il ne faut pas que tu crois que c'est le feu qui brûle. Hein? Et si tu crois que c'est le feu qui brûle, t'es un mouchrik. Si tu crois que c'est le couteau qui coupe, t'es un mouchrik. Et ça, bien entendu, c'est de l'égarement. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a créé le couteau, ou l'épée, ou le couteau, et il a créé le feu, et il a donné au feu la capacité de brûler, et la caractéristique du fait que le feu brûle. Et il a créé le couteau, et il a créé en ce couteau la capacité de couper. Et donc on doit croire en la cause, et on doit croire en l'effet. Toutefois, ces gens-là, eux, ils nient ça, et ils disent, il faut que tu crois que c'est pas le couteau qui coupe et c'est pas le feu qui brûle. Tout ça, ça revient en réalité à leur aqida qui penche vers la aqida des Jabriya et la voie des soufiyin aussi. Donc, à ce sujet-là, donc sur les questions qui ont rapport avec le tawhid et l'explication de la ilaha illallah et la question du qadar, ils ont beaucoup de d'égarements à ce sujet-là. Et bien entendu, on n'a pas le temps d'élaborer plus que ça sur ces questions-là, mais bon, il y a des cours qui ont été faits sur cette question-là, puis on a expliqué ça un peu plus en détail dans mon site sur salafi de Montréal.com. Il y a je pense que j'ai fait 8 cours environ sur Jama'at Tablir et j'ai expliqué les erreurs qu'ils ont dans leur aqida et dans leur manhaj. Donc quelqu'un peut retourner à ces cours-là pour écouter ces choses-là et comprendre plus en détail. De même que sur les soufis, j'ai fait aussi 15 cours sur les égarements des soufis. Donc quelqu'un peut retourner aussi à ces cours-là pour comprendre ces égarements-là. Mais c'est important de comprendre les égarements de ces groupes-là parce que ils se présentent comme étant des gens qui veulent faire la da'wah et appeler à l'islam, alors qu'en réalité ils appellent à tout ce qui est contraire à la aqida d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et les gens les aiment en général, ces gens-là, parce que ils montrent une belle apparence et un bon khuluq. Donc les gens se laissent séduire et se laissent tromper par leur apparence de piété et du fait qu'ils montrent qu'ils sont des gens très doux et très gentils. Mais dans la réalité, ils font ça uniquement pour essayer d'acquérir des nouveaux membres dans leur groupe. Alors que leur aqidah et leur manhaj n'est pas basé sur la aqidah et sur le manhaj des salaf al-salih ou sur la aqidah des salaf al-salih. Donc c'est très dangereux de se laisser séduire justement par leur ignorance. Donc le cheikh il dit ensuite « فليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تعطل الأسباب بل تمضي في طلبها مع الإيمان بأنه إن كان كتب لك شيئا سيأتيك ولكن لا يأتي لك شيء وأنت جالس لا بد أن تفعل السبب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قدر الله وما شاء فعل. Donc le cheikh il dit, donc le fait de croire en al-qada ou al-qadar, ça ne veut pas dire, comme on l'a dit tout à l'heure, que tu rejettes ou que tu nies les causes et les effets. Tu fais tes efforts pour obtenir les choses que tu veux dans cette dunya, tout en croyant que si Allah subhanahu wa ta'ala te l'a écrit, ça va, tu vas l'obtenir, et si Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a pas écrit, eh bien, le cheikh il dit, si tu fais les efforts pour l'obtenir, tu vas l'avoir, mais ça va, y a rien qui va te venir si tu fais pas les efforts et si tu restes assis. Par exemple, quelqu'un il veut se marier, il peut pas rester assis comme ça puis dire moi je veux me marier puis il fait pas des efforts, ou bien je veux avoir des enfants. Pour avoir des enfants, il faut avoir une femme en premier. Et pour avoir une femme, il faut faire les causes. Hein? Donc, c'est pas comme, par exemple, des fois, tu entends, par exemple, des gens qui veulent obtenir des choses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils demandent, mais sans faire les efforts ou les causes pour l'obtenir. Ça, c'est une contradiction. Quelqu'un, par exemple, veut se faire accepter dans une université islamique. Eh bien, pour se faire accepter, il faut qu'il fasse les causes. Hein. Il faut qu'il fasse la demande, puis il faut qu'il essaie de... Premièrement, s'il y a des conditions, il faut qu'il respecte les conditions, ainsi de suite. Donc, il doit faire les causes, et puis faire les efforts. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ça dans un hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira. Il dit, « Ihris ala ma yanfa'uk » C'est-à-dire, fais des efforts pour obtenir ce qui est bon pour toi et ce qui est bénéfique. Wasta'in billah, et demande l'aide d'Allah. Wala ta'jaz, et ne te décourage pas. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha. Et si quelque chose t'arrive, ne dis pas, si un malheur t'atteint, ne dis pas, si j'avais fait ça, alors dans ce cas-là, il y aurait eu ça ou ça. Par exemple, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu ça. Comme par exemple, quelqu'un il sort dehors et puis il prend sa voiture, il roule et puis arrivé au coin de la rue, par exemple, il frappe quelqu'un ou il frappe une voiture ou il fait un accident. Dis pas, oh si j'étais resté plus longtemps dans la mosquée, ce serait pas arrivé. Ou si j'avais fait ça, ce serait pas arrivé. Non. Le cheikh il dit, walakin قدر الله وما شاء فعل. Mais tu dis, Allah a prédéterminé cette chose, et ce qu'il veut, c'est ce qu'il a fait. D'accord. Donc, le cheikh dit « فَأَنْتَ تَفْعَلُ السَّبَبْ فَإِنْ حَصَلَتِ النَّتِيجَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلَ النَّتِيجَ فَإِنَّكَ تَرْضَى وَتُسَلِّمْ أَنَّ اللَّهَ مَا كَتَبَ لَكَ شَيْئًا » فهذا الحديث واضح في فعل الأسباب وأنه ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر تعطيل الأسباب أو أن فعل الأسباب يستقل بإيجاد النتائج كما تقول المعتزلة بل الأسباب يفعلها العبد من طاعة أو معصية والنتائج بيد الله فهو الذي يرتب النتائج والمسببات على أسبابها. Donc, je me souviens maintenant de la parole des Jama'at Tabligh lorsqu'ils expliquent la ilaha illallah. Ils disent que la ilaha illallah, ça veut dire de faire sortir du cœur la fausse conviction en les choses et de faire rentrer dans le cœur la conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les choses ou des choses de ce genre. Puis eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, en fait, c'est justement yani, affirmer la croyance en Wahdatul Wujud. Si on rentre dans la compréhension de leur explication de cette parole, on voit que c'est la aqidah des soufis et des jabriyas. Hein? Donc c'est pas juste de voir des gens qui font des actions puis qui disent nous on appelle à l'islam, puis tu les vois avec une apparence de piété et que tu dis bon ça y est c'est des gens de bien, puis tu commences à les défendre émotionnellement et émotivement, puis à te mettre en colère lorsqu'on les critique ou lorsqu'on parle contre eux sans essayer de comprendre la réalité de leur aqida et la réalité de leur manhaj et l'origine et la croyance de leur fondateur. Hein, Jama'at Tabligh avant 1928, ça n'existait nulle part sur la terre. Ni les Sahaba, ni les Tabi'in, ni les Tabi'in, ni les quatre imams des Madahib n'ont jamais entendu parler d'un groupe ou d'une secte qui s'appelle Jama'at Tabligh et qui pratique l'islam de cette manière. Hein? Bien sûr, la da'wa et le fait d'appeler les gens au bien et le fait de les inviter à la mosquée et le fait de, par exemple, d'enseigner aux gens les bons principes de l'islam. Tout ça, ça fait partie de l'islam, il n'y a pas de doute. Mais de le faire de cette manière précisément ou spécifiquement et d'enseigner les principes de l'islam de cette manière, ça c'est pas quelque chose qui fait partie de l'islam. Surtout quand tu vois que ces gens-là ne donnent pas d'importance au fondement du tawhid et de la aqida. Parce que pour eux, tout ce qu'on est en train d'enseigner maintenant pour eux, c'est quelque chose qui divise les musulmans. Selon leur compréhension de l'islam, d'enseigner le tawhid et d'enseigner la aqidah d'Ahlus Sunnah, ça divise. Donc, on ne veut pas parler de ces choses-là. Donc, ils vont se concentrer uniquement sur des choses tellement générales que personne ne peut diverger avec eux sur ces choses-là. Et ils ne veulent pas opposer les gens qui veulent contredire la vérité et qui veulent contredire les fondements de l'islam. Ils ne veulent pas les opposer ou éloigner les gens, soi-disant, comme ils le disent, parle pas de ça, ça va éloigner les gens. Parle pas de ça, les gens vont vouloir fuir. Hein? Parle des choses que les gens vont vouloir entendre puis qu'ils vont accepter. Pourquoi? Parce que la majorité des gens veulent entendre des choses qui va les flatter, comme on dit, dans le sens du poil, et qui va les mettre en accord avec leurs désirs et leurs passions. Ils veulent pas entendre quelqu'un qui commence à leur dire ce qui est en contradiction avec leurs désirs et avec leurs passions. Hein? Donc c'est pour ça que leur manhaj est dangereux. Et même dans leur pays, le pays d'origine du fondateur de ce groupe, on voit que juste à côté de leur centre, il y a des tombes qui sont adorées en dehors d'Allah. Et depuis, ils n'ont jamais rien fait pour justement stopper ces formes de shirk qui sont pratiquées là-bas. Donc ils vont les appeler, ces gens-là, à venir avec eux, à sortir avec eux, à faire leur rituel comme ils le font, mais ils ne concentrent pas leur da'wah sur la da'wah des prophètes, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration, et ils laissent les gens même pratiquer le shirk ou continuer dans leurs égarements sans les corriger. Donc le cheikh il dit, donc tu dois faire les causes, et si le résultat que tu veux, il arrive, alhamdoulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si le résultat que tu voulais n'arrive pas, dans ce cas, tu dois être satisfait et te soumettre au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant que cette chose-là n'avait pas été écrite pour toi. Et dans le hadith qu'on a mentionné précédemment, on voit ça de manière claire, qu'il faut faire les causes. Hein? وأنه ليس مع الإيمان بالقضاء والقدر تعطيل الأسباب et que dans le fait de croire hein, le décret et la prédestination il n'y a pas l'annulation de prendre les moyens et les causes pour obtenir ce qu'on veut hein وأن فعل الأسباب يستقل بإيجاد النتائج كما تقوله المعتزلة et il n'y a pas non plus le fait que tu te bases uniquement sur les moyens et les causes et que tu délaisses hein yani, le fait de, par exemple, mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce que disent les Mu'tazila, qui se basent uniquement sur les moyens et les causes pour obtenir un résultat. Donc, toi, le serviteur d'Allah, il fait les causes, hein, comme, qu'est-ce qui a rapport avec l'obéissance, hein, il fait les causes pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les causes pour s'éloigner du péché, puis le résultat est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yurattibu an-nata'ij wal musabbabat ala asbabiha et c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui par la suite fait réaliser les résultats que tu veux et qui fait que les causes et les effets soient reliés les unes avec les autres. Il dit ensuite khamisan fawa'id al-iman bil qada' wal qadar. C'est-à-dire, lorsqu'on a cru en la prédestination et en le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des effets à ça dans notre vie. C'est-à-dire que la foi en al-qadar wa al-qadar, elle a des bienfaits dans notre vie et dans notre personne également par rapport à cette aqida, elle a des effets sur nous. Quels sont ces bienfaits-là? Le cheikh il en énumère quelques-uns. Il dit الفائدة الأولى وهي أعظمها استكمال أركان الإيمان فمن جحد القضاء والقدر فإنه لم يستكمل أركان الإيمان التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc le premier bienfait qui est relié à Al-Qadar ou Al-Qadar, c'est le plus grand et le plus important, c'est le fait de compléter la foi en les six piliers de la foi. Quiconque nie Al-Qadar ou Al-Qadar n'a pas complété sa foi en les piliers de la foi. N'a pas complété les piliers de la foi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la foi dans le hadith, lorsqu'il a dit que la foi, c'est que tu crois en Allah, que tu crois en ses anges, que tu crois en ses livres, que tu crois en ses messagers, et que tu crois en la prédestination de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Ensuite, il dit والفائدة الثانية أن العبد يمضي ولا يستسلم للأوهام والخوف وإنما يمضي ويقول ما قدر الله فإنه سيكون. Le cheikh dit que le deuxième bienfait de la foi en la prédestination, en réalité, c'est que ça rend la personne, le croyant, courageux. Hein? Ça rend le croyant courageux. Hein? Et il ne se soumet pas à la crainte hein, et aux illusions. Bien au contraire, il avance sur son chemin et il dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, ça va m'arriver, que je m'assoie ou que je m'assoie pas. Hein? Donc, le cheikh, il donne des exemples de ça. Il dit, وَلِهَذَا حَكَ اللَّهُ عَنْ حَالِ الْمُنَافِقِينَ يَوْمَ أُحُدْ فَقَالَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَأُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فليس الجلوس في البيوت يمنع من الموت وليس الخروج للجهاد يوقع الموت أو يجلب الموت إذا لم يقدره الله فهو سبب ولكن إذا لم يقدره الله فلا أثر ولا نتيجة له. الشيخ الذي regardez par exemple l'état des munafiqun le jour de Uhud. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 168 dans Surat Al-Imran, hein, lorsqu'ils ont dit, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont dit à leurs frères, hein, ceux qui sont restés derrière, qui sont restés assis derrière, et qui ont dit à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. C'est-à-dire, s'ils n'étaient pas partis au combat, qu'ils nous avaient écoutés et obéi, quand on leur a dit de ne pas y aller au combat, ils n'auraient pas été tués. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dis au Muhammad, à ces gens-là, alors essayez de vous empêcher de mourir, si vous êtes véridique. C'est-à-dire, essayez de vous empêcher de mourir, essayez d'empêcher la mort, si vous êtes capable. Donc, le fait de s'asseoir à la maison, ça n'empêche pas la mort, parce que si Allah a prédestiné que tu vas mourir, ce moment-là, tu vas mourir quand même, hein. Et le fait de sortir au djihad, c'est pas quelque chose non plus qui t'amène la mort, hein. Parce que tu peux sortir, et puis tu vas arriver, et tu vas pas mourir, hein. Quelqu'un, par exemple, peut, être dans un endroit où il y a une guerre, et les bombes tombent à côté de lui de tous les sens, et puis il meurt pas. Et puis après, il s'en va, par exemple, dans un autre pays où il est en sécurité, il traverse la rue, il se fait frapper par une voiture, hein. Ou bien un bloc de béton lui tombe sur la tête. C'est arrivé à Montréal, subhanallah. C'était dans tous les journaux, même à la télévision et tout. Une femme est partie manger avec son mari dans un restaurant. Elle était assise et une dalle de l'immeuble, un gros bloc de béton, lui est tombé du 11e étage, ou du 10e ou 11e étage, est tombé directement sur elle pendant qu'elle était en train de manger avec son mari. Donc, son mari était assis comme ça avec elle, en train de manger normal, et tout d'un coup, sa femme la vitre s'écrase, et sa femme est par terre, un gros bloc de béton par-dessus elle, elle est morte sur le coup. Donc, tu sais pas quand tu vas mourir, et tu sais pas quand ça peut t'arriver. Hein? Et donc, à partir de ce moment-là, les gens, quand ils marchaient au centre-ville, regardent toujours en haut, ils ne savent pas est-ce qu'il y a quelque chose qui va tomber sur leur tête. Hein? Donc c'est pour ça, tu dis, tu ne peux pas t'enfuir de la mort si Allah il a prédestiné que c'est à ce moment-là que tu vas mourir, ça y est. Donc, le cheikh il dit, le fait de sortir, ce n'est pas quelque chose qui va te faire mourir. Et le fait de rester à la maison, ce n'est pas quelque chose qui va te protéger de la mort. Hein? Donc, tout ça, c'est par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est uniquement donc une cause. Et si Allah ne l'a prédestiné, alors ça n'aura aucun effet et aucun résultat. Le cheikh il dit ensuite, كم الذين يدخلون المعارك ويخرجون سالمين معافين وهذا خالد بن وليد رضي الله عنه لما حضرته الوفاء قال ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة وكان يتمنى الشهادة وخاض معارك عظيمة وتمنى أن يقتل في سبيل الله ولكن لم يقدر له ذلك. Le cheikh donne l'exemple, il dit, combien de gens sont rentrés dans les batailles et dans les combats, et ils sont sortis sains et saufs. Ils n'ont pas été affectés, ils n'ont pas été blessés ou tués. Regardez Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, qui était un des grands guerriers, un des grands stratèges à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la mort lui est arrivée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y a pas un endroit sur mon corps, excepté que il n'y a pas un endroit sur mon corps où il n'y a pas une blessure, où une marque, hein, une trace d'épée ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire un coup ou une blessure ou quelque chose comme ça. Hein? Donc c'est pour dire, Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, il souhaitait le martyr. Il souhaitait mourir en martyr dans le combat. Mais il est mort d'une mort normale. Hein? Il n'a pas été tué durant une bataille ou durant un combat dans les guerres qu'il a fait ou dans les combats qu'il a fait fisabilillah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne lui avait pas été prédestiné. Hein? Combien d'entre les grands sahaba, hein, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu, Omar Osman, Ali radiyallahu anhum, ils n'ont pas été tués dans le djihad ou dans le combat ou sur le terrain de combat. Hein? Ils ont été tués de d'autres manières. Hein? Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a été poignardé par Al-Majusi, hein? Abu Lu'lu'a, Al-Majusi. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a été tué par un des Khawarij, hein, j'ai oublié son nom. En tout cas, il a été tué par un des Khawarij en s'en allant à la mosquée, en allant à la prière, ou bien durant la prière de Fajr. Donc, c'est pour dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide la mort de quelqu'un. Hein. Le Cheikh il dit ensuite, donc ça répond également aux jeunes parmi les djihadis et les takfiris, les jeunes égarés aujourd'hui qui veulent se faire tuer ou se faire exploser. Hein. Ils disent qu'ils veulent mourir martyr ou faire le djihad. Ça c'est la preuve que quand les gens vont au djihad, ils espèrent le martyr de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne vont pas directement aller pour mourir. Contrairement à ce que font aujourd'hui ces jeunes-là qui se mettent des bombes sur eux-mêmes puis ils pensent qu'ils font le djihad. Alors que ça, c'est clair que c'est un suicide. Tu t'en vas clairement pour te faire tuer. Hein, et pour te tuer toi-même. Donc c'est pas quelque chose qui est considéré comme un martyr, comme les ulama l'ont expliqué. Le Cheikh il dit فالإيمان بالقضاء والقدر يبعث على الشجاعة والإقدام والتوكل على الله سبحانه وتعالى أما القعود فلا يغني شيئا قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة donc le Cheikh dit donc la foi en la prédestination et en le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça te pousse à être courageux et à aller de l'avant et à mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas pas dire que je vais pas faire ça parce que je vais pas dire quelque chose ou je vais pas faire quelque chose de ce que Allah m'a ordonné parce que j'ai peur. Si je le fais, peut-être que je vais mourir, ou si je le fais, je vais avoir des problèmes, hein, des choses comme ça. Tant que c'est dans les limites de l'islam, et que tu te réfères au Coran et à la Sunna, et aux paroles des ulama de l'islam, et que tu te réfères à eux, dans ce que tu fais, et que tu dépasses pas les limites, que t'es pas dans l'exagération, et dans l'extrémisme, alhamdulillah. Vas-y et fais qu'est-ce que t'as à faire, et mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne l'exemple, il dit, si, même si vous étiez dans vos maisons, ça c'est le verset 154 dans Surat Al-Imran, dit au Muhammad, à ces gens, même si vous étiez dans vos maisons, ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit la mort seraient sortis à l'endroit là où la mort les attendait. Donc c'est comme ça. Hein? Et il mentionne le verset 78 dans Surat Al-Nisa, il dit, peu importe où vous êtes, la mort va vous atteindre, même si vous êtes dans des forteresses, hein, même si vous êtes enfermés dans des forteresses, où aujourd'hui ils ont construit, qu'est-ce qu'on appelle en anglais, des bunkers, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en tout cas, pardon, ah c'est le même nom, ok, donc les bunkers c'est des endroits creusés en dessous de la terre, avec du gros béton, des grosses couches de béton, et lorsqu'il y a des attaques nucléaires ou quelque chose comme ça, ils vont là-bas pour se protéger, puis ils peuvent vivre là-bas des années parce qu'ils ont mis des réserves et tout. Même si tu te caches dans ça, la mort va venir. Hein? Tu peux pas rester, hein, te protéger de la mort ou t'enfuir de la mort. Donc le Cheikh dit fal qada la budda an yanfaz wa la budda an yajri wa la fa'idata fi qu'ud al-insan wa takhallufihi an fi'l al-asbab an-nafi'ah والكف عن الأسباب السيئة هذا يبعث في الإنسان القوة والشجاعة والإيمان بالله عز وجل وينفي عنه الشكوك والأوهام والتشاؤم الذي يصاب به كثير من الناس وينفي عنه الوساوس ولهذا كان أهل الإيمان لا يتأخرون عن طلب ما فيه خير ولا في وما فيه فائدة فإنهم يؤمنون بالقضاء والقدر ولا يقولون نخاف من الموت أو من القتل إذا كان الموت مقدرا لك سيأتيك ولو لم تذهب إليه وإن كان تقدر فلن تأتيك ولو كنت في أشد الخطر. Donc le cheikh il dit que donc le qada, le décret d'Allah, il va être exécuté et il va se produire. Donc ça sert à rien de rester derrière, hein, et d'avoir peur, hein, de faire les causes bénéfiques et de s'abstenir des causes qui peuvent être mauvaises, des choses qui t'amènent vers le mal. Donc tu fais les causes vers le bien et tu t'abstiens des causes qui t'amènent vers le mal, et de croire en le qada, ça t'amène, ça te donne de la force, hein, ça te donne une force en toi-même et du courage, hein, et de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils disaient les mu'minoun quand on essayait de leur faire peur, hein? Qu'est-ce qu'ils disaient les munafiqoun ou bien les murjifoun, ceux qui avaient peur et qui voulaient faire peur aux autres, يعني إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم, hein? Les gens se sont réunis contre vous, ayez peur, hein? Craignez-les. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu les mu'minoun? يعني ils ont dit فزادهم إيمانا, hein? Ça leur a augmenté leur foi. Eux, ils se sont réjouis de ça. Ils ont dit, ah, mashallah, ils se sont réunis pour nous. Nous, on est prêts. Hein? وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. Ils ont dit, Allah nous suffit et c'est le meilleur en qui on doit mettre notre confiance. Hein? C'est le meilleur garant. Donc, ça, c'était la aqidah des sahaba. C'est la aqida des salaf. Et c'est ça qui leur a donné cette force. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont conquis le monde, hein, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh dit, donc ça amène, ça donne le courage. Et ça nie tous les doutes et toutes les craintes illusoires. Et là, comme on dit, le pessimisme que beaucoup de gens ont aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que un des plus grands malheurs maintenant des musulmans, et surtout les musulmans qui vivent en France ou en Occident, yani, c'est qu'ils ont peur. Ils ont trop peur. Hein? Ils n'ont pas assez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et des fois, on se demande des fois si les musulmans ne sont pas comme l'éléphant qui est attaché par une ficelle, hein, dans son pied. Hein? Il réalise pas que il réalise pas que il a en réalité la capacité de pratiquer sa religion puis de faire qu'est-ce que Allah lui ordonne, et il pense que yani cette ficelle là peut l'empêcher alors qu'il est il est immense, il est gros. Donc si le musulman il veut prier, si le musulman il veut yani faire sa prière de Jumu'ah, si le musulman il veut avoir la possibilité par exemple que sa femme se voile ou avoir le droit de faire une mosquée ou des choses comme ça, yani, avec la quantité, avec le nombre de musulmans qui existent maintenant dans ce pays par exemple, ça ne devrait pas être une difficulté. Ça ne devrait pas être une difficulté. Hein? Dans certains pays par exemple, les musulmans sont bien moins nombreux, pourtant, hein, à cause du fait qu'ils ont une autre façon de voir les choses, hein, ils ont plus, peut-être plus de compréhension ou de connaissance de la religion d'Allah, ils arrivent à établir ce qu'ils ont établi. Comme par exemple, on voit les frères qui sont par exemple à Birmingham et qui sont sur la voie des salafs et dans leur manhaj et dans leur aqidah, et si on voit comment ils ont de la facilité de pratiquer leur religion, c'est parce que, c'est pas juste parce que, il y en a qui pensent, qui disent, ah ça c'est à cause de la mentalité par exemple des Anglais qui leur donnent plus de liberté. Ça c'est peut-être un facteur, mais c'est pas le seul facteur. Il y a le fait que eux aussi, déjà en partant, ils veulent le faire, hein. Si comme par exemple tu dis, bon, ici par exemple on n'a pas la liberté de porter par exemple le sitar, déjà est-ce que les femmes veulent porter le sitar, hein? S'ils veulent pas le faire, comment on va parler par exemple d'avoir le droit ou de pas avoir le droit, ou de nous permettre ou de ne pas nous permettre, si on pense même pas à vouloir le faire déjà en partant. Si on passe pas maintenant, même si on pense pas déjà en partant à vouloir établir la prière de Jumu'ah ou d'établir les cinq prières dans une mosquée, qu'on nous donne le droit ou qu'on ne le donne pas, c'est équivalent, c'est la même chose. Donc il faut que les gens commencent par vouloir, hein, que les musulmans commencent par vouloir établir la religion d'Allah et à la pratiquer correctement. Puis ensuite, une fois qu'ils veulent réellement ça, là par la suite, ils doivent faire les causes et prendre les moyens nécessaires. Et si les kuffars voient que les musulmans sont sérieux et qu'ils sont sincères, et qu'ils veulent réellement faire ça pour établir leur religion et pratiquer leur religion, ils vont pas s'objecter, ils pourront pas s'objecter non plus. Mais quand ils voient que parmi les musulmans, il y en a qui sont les premiers à s'objecter à la religion d'Allah et à renier des choses qui font partie de l'islam, ou à dire non, ces choses-là font pas partie de l'islam, ou à dire non, nous on veut pas ça, alors eux ils utilisent justement cette faiblesse-là ou cette ignorance-là ou cet égarement-là, puis ils en profitent pour justement bloquer les musulmans par exemple dans la pratique et dans l'application de leurs règles et de leur religion. Donc il faut que les musulmans eux-mêmes commencent par réaliser qu'ils doivent le faire, et ils doivent vouloir le faire parce qu'ils sont des croyants, parce qu'ils sont des musulmans, puis par la suite ils doivent faire les causes et demander les causes et prendre les moyens pour essayer d'arriver à faire des mosquées, à établir la pratique de leur religion, et ils ne vont pas les embêter par la suite. Hein. Et même s'ils voudraient s'objecter ou les embêter, yani, c'est comme les sahabas, yani, lorsqu'ils sont arrivés à Mecca. Hein. Nous, on devrait ici considérer qu'on est comme les sahabas, comme ils étaient à Mecca, quand ils voulaient pratiquer leur religion. Est-ce que les musulmans sont allés voir, par exemple, Quraysh, et ils ont dit, bon, est-ce que vous voulez qu'on enseigne le tawhid? Est-ce que vous voulez qu'on pratique la religion de l'islam? Quraysh, ils étaient en train de les torturer, de les martyriser. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bon, est-ce qu'on a la liberté d'expression? Est-ce qu'on a la liberté d'appeler au tawhid? Déjà, ils étaient ennemis de la da'wah du tawhid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas demandé la permission aux mushrikoun. Il a appelé au tawhid. Et il a appelé petit à petit à la religion d'Allah, jusqu'à ce que Allah lui donne la victoire par la suite. Mais la persécution et les difficultés, tout ça, ça fait partie du qadar d'Allah. Et il met les croyants à l'épreuve par ces choses-là. Et il augmente leur foi et il les raffermit. Hein? Alhamdulillah. C'est pas comme les égarés ou les gens d'égarement qui tombent dans l'exagération dans le fait qu'ils vont faire des actes de violence ou des actes de terrorisme pour revendiquer des choses ou demander des choses, puis par la suite ils se font écraser parce qu'ils ont contredit la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là, ils sont punis par Allah et par la main des kuffars dans cette dunya et dans l'akhirah. Hein? Nous on parle de les gens qui alhamdoulilah sont sur le Coran et sur la Sunna et qui prennent pas les moyens de violence, qui prennent les moyens que Allah leur a donné parmi les moyens, c'est-à-dire d'appliquer l'islam et de pratiquer leur religion et d'invoquer l'aide d'Allah et ainsi de suite, et de se référer aux ulama de l'islam pour savoir comment on doit se sortir des différentes situations. Mais bien entendu, tout ça doit se faire avec ilm, ça doit se faire avec hikmah, ça doit se faire avec compréhension. Donc tout ça, c'est pour faire comprendre tout ça. Donc lorsque tu as cette aqida, cette croyance, hein, al-qada wa al-qadar, ça élimine toutes ces wasawis, hein, ces suggestions du shaitan, ainsi de suite. Donc les gens de la foi, ils ne retardent pas, hein, dans le fait de rechercher le bien et de rechercher tout ce qui amène un bienfait. Ils croient en la prédestination. Hein, et ils ne disent pas, par exemple, on a peur de la mort, on a peur de se faire tuer. Lorsque la mort a été prédestinée, elle va te venir, même si tu y vas pas, même si tu vas pas vers la mort. Et si elle n'est pas prédestinée pour toi, elle va pas te venir, même si tu te diriges vers les choses les plus dangereuses. Al-fa'idatu thalitha, anna al-insan idha asabathu al-musiba la yajza' لأنه يؤمن أن هذا بقضاء الله وقدره فهذا يسهل ملاقاة المصائب فلا يجزع الإنسان ولا يلطم الخد ولا يشق الجيب ولا يدعو بدعوى الجاهلية وإنما يصبر ويحتسب كما قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الذين إذا أصابتهم مصيبة لا يلومون أنفسهم ويقولون السبب كذا وكذا بل يرضون بقضاء الله وقدره وأن المصيبة تحصل على أي حال وإن قدرها الله والمقدر يحصل بإذن الله ثم يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون كما في قوله صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قدر الله وما شاء فعل. Donc le troisième bienfait au sujet de al-qada wa al-qadar et de croire en al-qada wa al-qadar, il y a le fait que lorsque un malheur t'atteint ou une difficulté ou un problème t'atteint, tu vas pas perdre, yani tu vas pas te décourager et en même temps tu vas pas te plaindre parce que tu crois que ce qui t'est arrivé, ça fait partie du qada et du qadar. Je me rappelle par exemple quand j'étais imam à Montréal, yani dans une mosquée, et que yani on appelait au tawhid, on explique les principes de la aqida, on parle de la religion d'Allah. Yani des fois on critique certains gens de bid'a, certains groupes, certains individus, et on dit des choses parfois que yani c'est la vérité, puis des fois yani certaines personnes ça leur faisait peur. Donc lorsque les problèmes sont arrivés, eh ben soit par les médias ou bien d'autres raisons, il y en a des gens parmi les gens justement qui étaient pas d'accord avec la da'wa et les explications qu'on donnait de la religion, parmi les hizbiyyin et parmi les gens de bid'a ou parmi les laïcs ou les autres, eux ils se sont réjouis de ça, hein, ils se sont réjouis des problèmes. Ils ont dit, ah tu vois, il fallait pas parler de ça, hein, tu vois, il fallait te taire. Là maintenant tu vois ce qui t'arrive, ça c'est ça qui arrive maintenant, hein. Et le cheikh il dit, lorsqu'il t'arrive un malheur, il faut pas que tu commences à te décourager ou te plaindre, hein. Tu dois croire que ça t'arrive par le qada et par le qadar, hein. Et ça facilite le fait de l'accepter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas qu'il a eu des difficultés quand il a appelé à l'islam, quand il a appelé au tawhid, hein? Il a eu les plus grandes difficultés. Pourquoi? Parce qu'il a dit aux gens de Quraysh qui adoraient les idoles, qu'est-ce que vous adorez en dehors d'Allah? C'est faux. Eux, ils n'ont pas accepté ça. Ils disent, tu insultes nos idoles, tu insultes notre mode de vie, tu insultes le centre de notre croyance et tout ce qui a rapport avec notre vie, notre économie, notre politique est basée sur l'idolâtrie. Toi, tu viens critiquer ça, tu viens critiquer nos mœurs et nos coutumes et nos traditions, et tu veux nous opposer là-dedans, tu commences à insulter nos idoles, est-ce qu'on adore? Donc, ils n'ont pas accepté ça. Est-ce que le professeur Salam a dit, bon, ça y est, j'arrête. On va pas dire des choses qui les dérangent. On va pas parler de tawhid tout de suite. On va commencer à les approcher, on va leur faire une autre da'wah. On va leur parler de nourrir les pauvres, on va leur parler de donner de l'eau aux voyageurs, on va leur parler par exemple de faire l'aumône. Puis quand ils vont commencer à aimer, qu'est-ce qu'on dit? Là on va commencer petit à petit, doucement, peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 100 ans, là on va leur parler de tawhid, mais pas tout de suite. Hein? Il y en a qui ont cette mentalité-là. Hein? Et ça c'est une erreur. Et même parfois, parmi des frères qui sont salafis, on remarque certains d'entre eux qui ont cette mentalité là parce que yani, ils s'imaginent parfois que il faut pas parler de ces choses là il faut pas critiquer les gens de bid'a, il faut pas avertir contre les groupes ou contre les individus, il faut pas dire ouvertement salafi, parce que si tu dis le mot salafi, les gens vont avoir peur, ils vont penser que c'est une secte, donc ils vont s'enfuir. Il faut leur dire qu'est-ce qu'ils aiment, il faut leur dire qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Tu leur parles de wudu, comment faire le wudu, tu leur parles de la salat. Bien entendu, d'apprendre le wudu et d'apprendre la salat, ça fait partie de l'islam. Et c'est très important, et il faut que chacun le sache. Mais c'est pas ça la base de l'islam. Hein? Et c'est pas ça qui va te faire entrer au paradis si tu es sur le shirk. Et c'est pas ça qui va faire accepter ton adoration si tu es sur la bid'a. Donc il faut concentrer justement sur la base de l'islam, et la question de la salat, la question du wudu, ça on peut l'apprendre tous les jours, et quelqu'un est capable de l'apprendre ou de l'enseigner à son frère, hein, sans difficulté, sans problème. Il y a maintenant des frères à Montréal, Allah musta'an, et pas seulement à Montréal, ils sont salafis depuis des années, mais maintenant la salafia pour eux c'est devenu comme une sorte de club privé. C'est-à-dire quelque chose qu'ils parlent juste entre eux, entre amis. Ils vont pas aller l'expliquer aux autres qui la connaissent pas. Ils vont pas aller l'enseigner aux autres qui l'ont pas appris. C'est juste entre eux, entre amis. Puis ça devient comme quelque chose de secret. Comme si nous, on en parle entre nous, on dit « Ah oui, le manhaj, mashallah, hein, tel cheikh il a dit ça, tel cheikh il a dit ça. » Puis on est tous au courant de qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe. Mais pour les autres, les musulmans en général, eux, on ne leur parle pas, on ne leur explique pas les bases de cette aqida ou de ce manhaj. Comme si eux, ils sont exclus du groupe. Comme si eux, ils sont exclus de la connaissance de cette aqida et de ce manhaj. Donc ça, c'est pas correct. La da'wa salafia, c'est l'islam. La da'wa salafia, c'est l'islam en elle-même, dans sa pureté, dans sa réalité. C'est pas quelque chose qui se limite à un groupe, hein, d'initiés ou à un groupe de gens en privé. C'est quelque chose qui doit être enseigné ouvertement et devant tout le monde et qui doit être expliqué correctement. Bien entendu, il y a des choses, par exemple, certaines personnes ont peut-être pas la capacité de comprendre dans les détails, dans certaines choses qui sont peut-être plus approfondies ou plus détaillées, mais dans les connaissances de base et les choses générales, ça, tout le monde est capable de le comprendre. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, puisque c'est la base de l'islam. Il y a aujourd'hui des groupes d'égarements parmi les musulmans, comme les Ikhwan et d'autres. Ils disent, les juifs et les chrétiens sont nos frères. Hein? Ils disent, les juifs et les chrétiens sont nos frères. Il ne faut pas dire qu'ils sont des koufals, il ne faut pas dire qu'ils sont des mouchrikouns. Maintenant, les gens commencent à accepter cette croyance et cette idée. Donc, si les juifs et les chrétiens ne sont pas des koufars, qui sont les koufars maintenant? Et c'est quoi le kufr? Et c'est quoi le shirk? Donc, si on éduque les musulmans sur cette idée-là ou sur cette aqida-là, alors où est-ce qu'il est maintenant la compréhension de l'aqida et du tawhid? Hein? C'est parce que ces gens-là, ils ont mis de côté les bases de l'islam. Donc, il faut qu'il y ait une clarification des fondements de la religion. Sinon, on laisse les musulmans maintenant dans leur ignorance et dans leurs égarements. Donc, le cheikh, il dit, donc, la yajza' li annahu yu'min anna hadha bi qada' illahi wa qadari. Donc, s'il t'arrive un malheur ou une difficulté, tu crois en al-qada' ou al-qadar, et ça facilite le fait de subir ces difficultés-là et ces malheurs. Donc, tu vas pas perdre espoir, tu vas pas te décourager, tu vas pas commencer à abandonner les choses que tu fais, tu vas pas te frapper les joues comme le faisaient les gens de la Jahiliya, ou bien déchirer tes vêtements ou ton collet, puis commencer à appeler par l'appel de la Jahiliya. Non, tu vas faire preuve de patience et d'endurance, et tu vas le prendre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis, ce qui m'arrive comme difficulté et comme malheur, je l'accepte pour Allah, et j'espère la récompense d'Allah dans ce malheur qui m'arrive. Tahtasib. Donc c'est ça qui arrive. C'est comme ça que le croyant doit accepter ces difficultés-là et ces malheurs. Et il mentionne le verset 155 et 157 dans Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et donne la bonne nouvelle aux endurants et aux patients. Ceux que lorsqu'un malheur les atteint, ils disent, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous revenons. Ceux-là, ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Allah subhanahu wa ta'ala envoie ses bénédictions sur ceux-là, ainsi que sa miséricorde. Et ceux-là sont ceux qui sont bien guidés. Ceux, lorsqu'un malheur les touche, ils ne vont pas se blâmer eux-mêmes. Ils ne vont pas dire, par exemple, la cause c'est un tel ou un tel. Ils vont être satisfaits du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la prédestination, et que le malheur allait arriver de toute manière, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédestiné. Donc, qu'est-ce qui a été prédestiné? Ça se produit par la permission d'Allah. Puis ils disent, c'est d'Allah que nous venons et c'est vers lui que nous retournons. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a mentionné dans le hadith, si un malheur quelconque t'a atteint, ne dis pas, si j'avais pas fait ça, telle ou telle chose ne m'arriverait pas, ou si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu ça ou ça. Mais dis plutôt, qaddara Allah wa ma sha'a fa'al, c'est-à-dire ce que Allah a prédestiné, c'est qui se produit et yani, ce que Allah a voulu, c'est ce qu'il a fait. Hein, c'est ce qu'il fait. Donc, le Cheikh dit ensuite, فَهَذَا يُهَوِّنُ عَلَى الْإِنْسَانِ الْمَصَائِبِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ فَهَذِهِ الثَّلَاثِ فوائد من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر. Donc ces trois points-là sont trois points parmi les bienfaits d'avoir la foi en la prédestination et en le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. الأولى استكمال أركان الإيمان. الثانية, pour pas oublier juste en passant, il y a un frère qui me disait, je ne me rappelle plus c'est qui, mais en tout cas il m'expliquait que il y avait un, en tout cas peut-être c'est pas nécessaire de mentionner ça, mais je le mentionnerai peut-être une autre fois. Le Cheikh il dit al-oula istikmal arkan al-iman. Al-thaniya an al-iman bil qada' wal qadar yab'ath 'ala al-quwwa wash-shaja'a wal-iqdam fi sabil al-khair. Al-thalitha an al-iman bil qada' wal qadar yuhawwin 'ala al-muslim al-masa'ib allati tajri 'alayhi. Amma alladhi la yu'minu bil qada' wal qadar fa innahu يجزع ويتسخط ويحصل منه ما يحصل. والآن نسمع كثيرا عما يسمى بالانتحار وأنه انتشر بين أهل الملل وبين الملل الأخرى ما سببه. Donc le cheikh il dit que il résume les trois points pour lesquels dans lesquels il y a c'est-à-dire il résume les trois points qui sont des bienfaits d'avoir la foi en al-qada wa al-qadar. Il mentionne premièrement que ça complète les piliers de la foi, que ça t'amène à être fort et à être courageux et à avancer vers dans la voie du bien, et troisièmement que la foi en al-qada wa al-qadar ça diminue yani le fait de la souffrance ou bien de la douleur, des malheurs qui peuvent lui arriver lorsque par exemple quelqu'un meurt dans ta famille ou quelqu'un de proche, lorsque la personne meurt, eh bien ça va adoucir ce malheur là parce que tu crois que ça a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas pas commencer à t'arracher les cheveux ou te griffer le visage ou bien t'arracher déchirer tes vêtements, commencer à crier. Tu vas pas te lamenter ou des choses comme ça. Au contraire, tu dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quelqu'un, par exemple, son enfant, il est mort, il s'est fait frapper par une voiture. Il va pas commencer à perdre la raison puis à crier comme un fou. Au contraire, il va savoir que ça c'est par le décret d'Allah. Puis il endure ce malheur-là et il sait qu'il aura une récompense d'Allah pour ça. Donc ça fait partie des choses qui sont des fruits de la foi en Al-Qadar ou Al-Qadar. Donc, tout se passe selon la prédestination d'Allah et ce qui doit arriver, doit arriver. Il dit maintenant, il y a quelque chose qu'on entend beaucoup de ces temps-ci et c'est ce qu'on appelle le suicide, Al-Intihar. Et on voit que c'est quelque chose qui se propage parmi les gens des autres religions. Quelle en est la cause? C'est quoi la cause de ces suicides-là que les gens font maintenant? Le Cheikh dit Al-Jawab, سببه عدم الإيمان بالقضاء والقدر. إذا تضايق الواحد منهم نحر نفسه والعياذ بالله لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر فلا يقول هذا شيء مقدر علي هذا شيء مكتوب علي والفرج قريب إن شاء الله ويحسن الظن بالله عز وجل فإن مع العسر يسرا ألا إن نصر الله قريب فالذي ينتحر ويقتل نفسه لا يؤمن بالقضاء والقدر لأنه لا يتحمل الشدائد والمصائب. Donc le cheikh dit la réponse à cette question au sujet du suicide. Premièrement, le cheikh il répond à la raison pour laquelle le suicide se propage chez les gens qui suivent d'autres religions que l'islam. La raison c'est parce qu'ils ne croient pas en le décret et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand ils ont un malheur ou quelque chose de difficile dans leur vie, ils se suicident et ils se tuent eux-mêmes. Wal'iyadu billah. Hein? Et dans certaines religions, comme par exemple dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, étant donné que ces gens-là croient en la réincarnation, parfois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils disent, bon, je vais me tuer parce que cette vie-là, elle est pas bonne. Alors, je vais recommencer une autre vie, je vais me réincarner dans un autre corps. Donc, ils se suicident et se tuent comme ça. Et ça, bien entendu, c'est la preuve que cette religion-là, elle est fausse. Puisque quand tu commences ta vie et que tu grandis, Yani, t'as aucun souvenir d'une vie précédente, hein? Yani, moi personnellement, en tout cas, j'ai jamais eu de souvenir d'une vie précédente et je connais personne qui a eu des souvenirs d'une vie précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois on revient à nouveau à zéro, hein? Et même eux, pourquoi ils croient en la réincarnation? Souvent parce que dans leur pays il y a des castes, il y a des systèmes de castes. Donc eux ils essaient de justifier les injustices sociales en disant que si t'es dans une mauvaise caste, c'est le résultat du fait que dans une autre vie précédente t'avais fait le mal. Donc tu dois accepter ta situation et qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui et vivre ça jusqu'à ce que tu te réincarnes dans une autre vie, dans une meilleure caste, hein, ou des choses de ce genre. Et ça, bien entendu, c'est de l'égarement. Puis après, ils disent quand tu atteins la plus haute caste, eh bien là, tu es dans la caste des Brahmanes. Là, tu vas mourir par la suite. Si tu as fait le bien, tu vas te réincarner, tu vas atteindre le niveau de Nirvana, puis tu deviens un avec l'esprit universel. Hein? Un peu comme les soufis qui veulent atteindre Al-Fana et Al-Hulul. Ils croient que lorsqu'ils arrivent à faire certains exercices spirituels et qu'ils arrivent à un niveau très haut de spiritualité, soi-disant, selon ce qu'ils ont appris par leur shuyukh dans les turqs soufis, walaykoum salam wa rahmatullah, ils pensent que là, ça y est, ils se sont débarrassés de leur passion et tout, et ils se sont même détachés de leur propre être, de leur propre corps, et ils deviennent un avec Dieu. Et ils atteignent soit par exemple, ils appellent Al-Fana, ils se dissout en Allah, ou bien Al-Hulul, hein, ils deviennent un avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien Wahdatul Wujud. C'est-à-dire, ils ne voient plus de différence ou de distinction entre le Créateur et la créature. Tout pour eux ne devient qu'une seule existence. Hein. Donc ça, c'est des exemples d'égarement qui existent chez ces gens-là. Et donc, ça, c'est des choses qui font que, souvent, tu les vois, ils vont se suicider, ces gens-là, hein, parmi les gens qui croient en ces fausses religions. Et chez les matérialistes, hein, chez les gens qui ne croient pas en l'akhirah, qui ne croient pas au paradis, qui ne croient pas à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu les vois régulièrement qui se suicident. Sa femme l'a quitté, ou sa copine l'a quitté, il a perdu son travail, hein, là il s'en va, il va se jeter en bas d'un pont, ou bien il se coupe les veines, ou bien des choses de ce genre. Ou bien il prend de la drogue pour essayer d'oublier les problèmes qu'il a, hein, et des choses de ce genre. Donc ça, c'est la vie malheureuse de ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas la foi en Al-Qadar ou Al-Qadar, et ils ne trouvent pas de paix et d'équilibre dans leur cœur et dans leur vie. Donc ils tombent dans ce genre de situation. Hein? Donc le Cheikh, il dit que, ils font ça parce qu'ils ne croient pas en Al-Qadar ou Al-Qadar. Donc le Cheikh, il dit, ils ne disent pas, ça c'est quelque chose qui a été prédestiné pour moi. Ça c'est quelque chose qui a été écrit pour moi. Ça, Inch'Allah, la délivrance est proche. Inch'Allah. Et ils n'ont pas une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah, il dit dans le surat Al-Sharh, le verset 5. Inna ma'al usri yusra. C'est-à-dire, la facilité vient avec la difficulté. Ou bien ils ne disent pas, comme dans surat Al-Baqarah, ala inna nasrallahi qarib. Certes, là, victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est proche. Donc, ils ne pensent pas en bien d'Allah. Ils sont pessimistes. Hein? Ils sont pessimistes. Ils voient le monde d'un œil noir, d'un œil sombre, négatif. Ils ne voient que le mal. Hein? Ils voient que le mal dans ce monde, que le malheur. Ils ne regardent pas les bonnes choses et le bien. Donc le Cheikh, il dit, donc celui qui se suicide lui-même, hein, et qui se tue lui-même, il ne croit pas en Al-Qadar ou Al-Qadar. Hein? Et donc, il n'arrive pas à supporter les difficultés et les malheurs. D'accord? Mais aussi, en même temps, juste un point en passant, il ne faut pas penser, parce qu'il y en a qui se suicident pour ça, de cette manière-là, mais il ne faut pas penser que celui qui se suicide parmi les musulmans, il est kafir ou apostat et qu'il quitte l'islam. Non. C'est pas quelque chose qui fait sortir nécessairement de l'islam. Ça fait partie des grands péchés, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Sauf si quelqu'un se suicide parce qu'il a désespoir en Allah ou qu'il ne croit pas en Al-Qadar ou Al-Qadar. Ça, c'est, bien entendu, ça c'est kufr. Hein? Mais s'il se suicide parce qu'il n'arrive pas à supporter une douleur ou quelque chose comme ça, ça c'est un péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que celui qui fait ça, il va continuer à se tuer dans l'enfer de la manière qu'il s'est tué. Hein? Donc c'est pour dire que s'il s'est tué en se jetant en bas d'une falaise, ou qu'il s'est tué en se coupant ou en se pendant, il va continuer à faire ça dans l'enfer. Mais ça c'est selon la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un il a fait un grand péché et qu'il meurt sans se repentir, eh bien il est sous la volonté d'Allah. Soit Allah va lui faire preuve de miséricorde, il va le pardonner, il le fera rentrer au paradis parce qu'il est mort sur le tawhid, ou bien soit que Allah subhanahu wa ta'ala va le mettre en enfer pour un certain temps, puis que par la suite il sortira de l'enfer, comme Yahani s'est mentionné dans les hadiths qui parlent de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens qui ont commis des grands péchés, ainsi de suite. Donc ça c'est juste un petit point en passant que je voulais mentionner à ce sujet-là, et je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, on va continuer Yahani après la prière de Dhuhr pour la suite, inshallah. Donc subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته